L'origine des espèces de Charles Darwin, extrait cause de variabilité, lu par K00 pour audiocité.net en domaine public. Cause de la variabilité. Quand on compare les individus appartenant à une même variété ou à une même sous-variété de nos plantes cultivées depuis plus longtemps et de nos animaux domestiques les plus anciens, on remarque tout d'abord qu'ils diffèrent ordinairement plus les uns des autres que les individus appartenant à une espèce ou une variété quelconque à l'état de nature. Or, si l'on pense à l'immense diversité de nos plantes cultivées et de nos animaux domestiques qui ont varié à toute époque, exposés qu'ils étaient au climat et aux traitements les plus différents, on est amené à conclure que la plus grande variabilité provient de ce que nos productions domestiques ont été élevées dans des conditions de vie moins uniformes, ou même quelque peu différentes de celles auxquelles l'espèce mère a été soumise à l'état de nature. Il y a peut-être aussi quelque chose de fondé dans l'opinion soutenue par Andrew Knight, c'est-à-dire que la variabilité peut provenir en partie de l'excès de nourriture. Il semble évident que les êtres organisés doivent souvent être exposés pendant plusieurs générations à de nouvelles conditions d'existence pour qu'ils se produisent chez eux une quantité appréciable de variations. Mais il est tout aussi évident que, dès qu'un organisme a commencé à varier, il continue ordinairement à le faire pendant de nombreuses générations. On ne pourrait citer aucun exemple d'un organisme variable qui ait cessé de varier à l'état domestique. Nos plantes les plus anciennement cultivées, telles que le froment, produisent encore de nouvelles variétés. Nos animaux réduits depuis plus longtemps à l'état domestique sont encore susceptibles de modifications ou d'améliorations très rapides. Autant que je puisse en juger après avoir longuement étudié ce sujet, les conditions de la vie paraissent agir de deux façons distinctes. Directement sur l'organisation entière ou sur certaines parties seulement, et indirectement en affectant le système reproducteur. Quant à l'action directe, nous devons nous rappeler que, dans tous les cas, comme l'a fait dernièrement remarquer le professeur Weissmann, et comme je l'ai incidemment démontré dans mon ouvrage sur la variation à l'état domestique, nous devons nous rappeler, dis-je, que cette action comporte deux facteurs. La nature de l'organisme et la nature des conditions. Le premier de ces facteurs semble être beaucoup plus important, car autant toutefois que nous puissions en juger, des variations presque semblables se produisent quelquefois dans des conditions différentes. Et d'autre part, des variations différentes se produisent dans des conditions qui paraissent presque uniformes. Les effets sur la descendance sont définis ou indéfinis. On peut les considérer comme définis quand tout ou presque tous les descendants d'individus soumis à certaines conditions d'existence pendant plusieurs générations se modifient de la même manière. Il est extrêmement difficile de spécifier l'étendue des changements qui ont été définitivement produits de cette façon. Toutefois, on ne peut guère avoir de doute relativement à de nombreuses modifications très légères, telles que la modification de la taille provenant de la quantité de nourriture, la modification des couleurs provenant de la nature de l'alimentation, modification de l'épaisseur de la peau et de la fourrure provenant de la nature du climat, etc. Chacune des variations infinies que nous remarquons dans le plumage de nos oiseaux de basse-cour doit être le résultat d'une cause efficace. Or, si la même cause agissait uniformément pendant une longue série de générations sur un grand nombre d'individus, ils se modifieraient probablement tous de la même manière. Des faits tels que les excroissances extraordinaires et compliquées, conséquences invariables du dépôt d'une goutte microscopique de poison fournie par une gale à insecte, nous prouvent quelles modifications singulières peuvent, chez les plantes, résulter d'un changement chimique dans la nature de la sève. Le changement des conditions produit beaucoup plus souvent une variabilité infinie qu'une variabilité définie, et la première a probablement joué un rôle beaucoup plus important que la seconde dans la formation de nos races domestiques. Cette variabilité indéfinie se traduit par les innombrables petites particularités qui distinguent les individus d'une même espèce. particularité que l'on ne peut attribuer en vertu de l'hérédité ni au père, ni à la mère, ni à un ancêtre plus éloigné. Les différences considérables apparaissent même parfois chez les gènes d'une même portée ou chez les plantes nées d'une graine provenant d'une même capsule. À de longs intervalles, on voit surgir des déviations de conformation assez fortement prononcées pour mériter la qualification de monstruosité. Ces déviations affectent quelques individus au milieu de millions d'autres élevés dans le même pays et nourris presque de la même manière. Toutefois, on ne peut établir une ligne absolue de démarcation entre les monstruosités et les simples variations. On peut considérer comme les effets indéfinis des conditions d'existence. Sur chaque organisme individuel, tous ces changements de conformation, qu'ils soient peu prononcés ou qu'ils le soient beaucoup, qui se manifestent chez un grand nombre d'individus vivant ensemble. On pourrait comparer ces effets indéfinis aux effets d'un refroidissement, lequel affecte différentes personnes de façon indéfinie, selon leur état de santé ou leur constitution, se traduisant chez les unes par un rhume de poitrine, chez les autres par un rhume de cerveau, chez celles-ci par un rhumatisme, chez celles-là par une inflammation de divers organes. Passons à ce que j'ai appelé l'action indirecte du changement des conditions d'existence, c'est-à-dire les changements provenant de modifications affectant le système reproducteur. Deux causes principales nous autorisent à admettre l'existence de ces variations. L'extrême sensibilité du système reproducteur pour tout changement dans les conditions extérieures. La grande analogie constatée par Kohlreuter et par d'autres naturalistes entre la variabilité résultant du croisement d'espèces distinctes et celle que l'on peut observer chez les plantes et les animaux élevés dans des conditions nouvelles ou même artificielles. Un grand nombre de faits témoignent de l'excessive sensibilité du système reproducteur pour tout changement, même insignifiant, dans les conditions ambiantes. Rien n'est plus facile que d'apprivoiser un animal, mais rien n'est plus difficile que de l'amener à se reproduire en captivité, alors même que l'union des deux sexes s'opère facilement. Combien d'animaux qui ne se reproduisent pas, bien qu'on les laisse presque en liberté dans leur pays natal? On attribue ordinairement le fait, mais bien à tort, à une corruption des instincts. Beaucoup de plantes cultivées poussent avec la plus grande vigueur, et cependant, elles ne produisent que fort rarement des graines, ou n'en produisent même pas du tout. On a découvert dans certains cas qu'un changement insignifiant, un peu plus ou un peu moins d'eau par exemple, à une époque particulière de la croissance, amène ou non, chez la plante, la production de graines. Je ne puis entrer ici dans le détail des faits que j'ai recueillis et publiés ailleurs sur ce curieux sujet. Toutefois, pour démontrer combien sont singulières les lois qui régissent la reproduction des animaux en captivité, je puis constater que les animaux carnivores, même ceux provenant de pays tropicaux, reproduisent assez facilement dans nos pays, sauf toutefois les animaux appartenant à la famille des plantigrades. Alors que les oiseaux carnivores ne pondent presque jamais d'œufs fécond. Bien des plantes exotiques ne produisent qu'un pollen sans valeur, comme celui des hybrides les plus stériles. Nous voyons donc, d'une part, des animaux et des plantes réduits à l'état domestique se reproduisent facilement en captivité, bien qu'ils soient souvent faibles et maladifs. Nous voyons d'autre part des individus enlevés tout jeunes à leur forêt, supportant très bien la captivité, admirablement apprivoisés dans la force de l'âge sain. Je pourrais citer bien des exemples, dont le système reproducteur a été cependant si sérieusement affecté par des causes inconnues qu'il cesse de fonctionner. En présence de ces deux ordres de faits, faut-il s'étonner que le système reproducteur agisse si irrégulièrement quand il fonctionne en captivité et que les descendants soient un peu différents de leurs parents? Je puis ajouter que, de même que certains animaux reproduisent facilement dans des conditions les moins naturelles, par exemple les lapins et les furets enfermés dans des cages, ce qui prouve que le système reproducteur de ces animaux n'est pas affecté par la captivité. De même aussi, certains animaux et certaines plantes supportent la domesticité, ou la culture sans varier beaucoup, à peine plus peut-être qu'à l'état de nature. Quelques naturalistes soutiennent que toutes les variations sont liées à l'acte de reproduction sexuelle. C'est là certainement une erreur. J'ai cité en effet, dans un autre ouvrage, une longue liste de plantes que les jardiniers appellent les plantes folles, c'est-à-dire des plantes chez lesquelles on voit surgir, tout à coup, un bourgeon représentant un caractère nouveau, et parfois tout différent des autres bourgeons de la plante. Ces variations de bourgeons, si on peut employer cette expression, peuvent se propager à leur tour par greffe et par marcotte, etc., ou quelquefois même par semis. Ces variations se produisent rarement à l'état sauvage, mais elles sont assez fréquentes chez les plantes soumises à la culture. Nous pouvons conclure d'ailleurs que la nature de l'organisme joue un rôle principal dans la production de la forme particulière de chaque variation, et que la nature des conditions lui est subordonnée. En effet, nous voyons souvent sur un même arbre soumis à des conditions uniformes un seul bourgeon au milieu de milliers d'autres produits annuellement, présenter soudain des caractères nouveaux. Nous voyons d'autre part des bourgeons appartenant à des arbres distincts, placés dans des conditions différentes, produire quelquefois à peu près la même variété. Des bourgeons de pêcher, par exemple, produire des brugnons, et des bourgeons de rosiers communs produire des roses moussues. La nature des conditions n'a donc peut-être pas plus d'importance dans ce cas que n'en a la nature de l'étincelle communiquant le feu à une masse de combustible pour déterminer la nature de la flamme.